salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento, encore une fois enregistré et monté en équipe, chacun depuis notre salon avec Nicolas et Corentin. Et justement, à force de rester cloîtré chez nous, eh bien, on a décidé qu'il serait peut-être intéressant de voyager un petit peu en prenant des nouvelles de nos amis qui ne vivent pas en Belgique. On a voulu savoir quelle était la situation dans leur pays, comment ils vivaient cette période plutôt spéciale et évidemment, quelle était leur musique du moment. Les premières destinations de ce tour du monde du confinement sont le Canada, les États-Unis, la France et l'Australie. Le Memento News of the World, c'est tout de suite sur Radio Panique. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Il faut bien qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Non, mais on sait ce qui se passe. J'ai 25 espions qui me font deux rapports par semaine. Mais chante pas, vos espions. Il manquerait plus que ça. Non, ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Eh ben, nous, ce qui compte, c'est que ça chante. Salut, je m'appelle Bastien, j'ai 28 ans et je vis à Montréal. C'est pas mon premier passage sur Panique, mais c'est toujours avec plaisir que je réponds à l'appel d'Arthur et Nico pour participer à l'émission et bien entendu cracher sur les ondes d'une ou l'autre nouvelle trouvaille musicale. Marrant, quand j'ai reçu le pitch, spoil alerte, raconte ton confinement. J'ai déjà dû aller voir mes emails pour savoir quand était tombé cet anodin « les gars, dès demain, on travaillera de la maison, ok? Vous avez tous internet ?» de la part du grand Sachem. Ah, tu te souviens de ton premier jour? Cette excitation d'avoir un truc un peu spécial dans ta vie, un peu comme quand à l'école tu changes de classe pour le cours de géo et que ça suffit à rendre la vie sympa. Bah, moi je me souviens déjà plus de ce jour. C'était le 16 mars. J'ai dû taper « écran » dans la recherche pour tomber sur la discussion. À ce moment, j'ai cru bon de juste embarquer un écran plat pour bosser à l'appart, mais j'ai en revanche pas été foutu de ramener le pot de soupe à moitié plein qui est dans mon tiroir. Je vous préviens, seconde pandémie en vue dès que quelqu'un remettra les pieds au bureau. Le 16 mars, on sous-louait depuis 3 mois un chouette appart à un couple parti surfer en Indonésie pour quelques temps. Ils nous ont annoncé avant leur retour qu'on pourrait rester tout le printemps et l'été. Le pied, c'est pas cher et vraiment chouette. Seulement, à peine quelques jours après le début du confit, la nouvelle est tombée que ce serait plus possible. Elle est médecin, elle va vivre la galère absolue pendant les prochains mois et on a convenu qu'on allait se tirer rapidement pour leur rendre leur appart et leur conférer un minimum de confort. C'est donc parti pour joyeusement écumer Airbnb et Kijiji, le site de petites arnaques locales, et tenter de choper un logement à durée indéterminée en pleine paranoïa sanitaire. Bon, ça a bien tourné, on a pu les camper, non sans se faire arnaquer par un Uber véreux qu'on a envoyé bouler pour prendre le bus avec tout notre barda. Niveau taf, j'ai malheureusement été déclaré service essentiel. Moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, j'entends les sourcils froncer, je comprends. Mais qui est ce petit con ingrat qui se permet de se plaindre? Mollo, je m'explique. Tu vois, j'ai juste mal choisi mon taf. Netflix, ça fonctionne à l'électricité. Les gens ont besoin de Netflix pour pas faire de révolution. Et ben moi, je me retrouve au milieu du bazar, bosser pour les types qui t'amènent le jus et permettent de terminer ta saison sans trop penser à péter les plombs. Stabilité nationale. Mais là où je râle, c'est que tous ceux qui ont perdu leur job découvrent à quoi peut servir l'État. Ils sont inscrits sur un petit site pour recevoir FISA 2 000 $ sur leur compte. Et c'est pas fini, ils en ont tous reçu le double parce qu'en backstage, tout le monde se rend bien compte que ça va encore durer un peu. Résultat des courses, pendant que je me tue à la tâche pour faire chauffer leur grippin, la moitié du Canada se tourne les pouces avec 4 000 boules de trop et avec tout leur temps pour le dépenser au casino en ligne. Alors voilà, chômeur temporaire, je vous aime fort et tout ça, c'était pour rire. Allez, reviens gamin, c'était pour rire. Courage à tous et tenez bon, je vous envoie un petit fantastique Negrito avec Bad Guy Necessity. Juste parce que c'est bon et que j'aime bien ce bonhomme. Oh. Hi, my name is Marina. I'm 30 years old. I'm from Catalonia, but I've been living in the United States for 3.5 years in a state called New Mexico. New Mexico is in the southwest of US and is not part of Mexico, even though a lot of people think it is. Actually, I still have family members that ask me, how's Mexico? Okay, first I'm going to talk a bit about the quarantine situation here. My sense is that here in the United States, quarantine rules are not very strict, at least not compared to Spain, although it depends a lot on each state. So, for example, in New Mexico, you should only go out for essentials. But then the reality is that I see people walking in the streets all the time or gathering over the parks, you know, doing all these things that they shouldn't. And the problem is that there's not really a control over it. I personally started isolation 34 days ago, but I started about 10 days before New Mexico announced isolation policies. And the reason for this is that I was following the news from Barcelona very close. So I guess I was more aware of how dangerous it is before people here, you know, got it. And yeah. About my specific situation, I'm studying for my PhD at the University of New Mexico, Albuquerque. And I'm now in my final year, but I may have to extend because the university is closed and probably I may not be able to finish my lab work in time. Actually, it's very likely. The thing is that a big part of my research consists of performing different analyses in meteorites. And so having all my results done by now, or early May to the most, was essential for finishing by the end of this year. So now my whole plan changed. And that was very hard to take, to be honest. I'm a person who likes to have a plan, right? And things under control. And for me, it's been always hard to be just, you know, go with the flow. And I feel like that has had a lot of impact on how I'm dealing with a pandemic. So actually, it's been a good exercise for me, right? Because I have to accept and adapt to a new situation that is completely out of my control. But at the beginning, I felt lost and I had no idea how to work from home because I never work from home. I always need to go to a public place like a library or a coffee shop. So at first I was too hard on myself for not working hard enough at home. And I felt overwhelmed. And I know it's kind of crazy, these ups and downs of the emotions that happen the first 2 weeks. I'm now much better, but there's still moments of, you know, little waves. But in general, I don't know. In general, I think we're all learning different things from this. And for me, one important thing is to be nicer to myself and to accept that this situation is hard and that I cannot accomplish the same that I would if I was not at home. You know what I mean? Because some days I only write a few lines or none while I used to write pages. Also, it's easy for me to think that the grass is always greener at the other side. Right, so I feel like I'm not doing enough, or other PhD students are doing much more than me. And I had to, I don't know, I had to remind myself that I have to be grateful for what I have and how far I've come, and be kind to myself. And learn also to take one day off without feeling guilty. I can't just ignore that nothing is happening around me. Because the truth is that I'm so far away from my hometown. And this alone is something that's already difficult, you know, by its own, to, on top of that, be in a pandemic. There's positive things too. One is that I feel actually quite privileged to, well, quite, no, a lot, really privileged to be able to isolate alone in my apartment. Because, well, actually, I've been living by myself for 3 years and I absolutely love it. And although I live alone, my boyfriend lives really close and he's extremely supportive, so I never feel alone. And then another thing that I've noticed during this pandemic is that during all the time that I've been in here, you know, away from Catalonia, I only spoke occasionally with my friends and family. And now I feel we are all more connected because we are living the same. And actually, it's the first time since I am in US that the same thing is happening in Catalonia and in the United States too. Just to finish, my song of the moment is El Cla from Ferran Palau, who's a Catalan artist, and this is his most recent release. I choose it because the music is very mellow and fits my mood right now. And also because I like to expose Catalan artists. Take care. Bye. Què faig si m'ofega la calma? Necessito explicar-t'ho a tu. Me'n vaig, però no puc anar gaire lluny. Cel clar, surto fora de casa, que cau a trossos al meu damunt. Per tot acostumo a trobar-te tu. Cel clar, te m'acostes a contrallum. Tancat m'imagino la platja. Per tot acostumo a trobar-te tu. Em quedes tu. Necessito mirar-te els ulls, ja saps que tu em dones tot el que vull. Cel clar, surto fora de casa, que cau a trossos al meu damunt. Perdut, acostumo a trobar-te tu. Cel clar, te m'acostes a contrallum. M'imagino la platja, per tot acostumo a trobar-te tu. Cel clar, te m'acostes a contrallum, tancat m'imagino la platja, per tot acostumo a trobar-te tu. Em quedes tu. Si vous ne parlez pas anglais option catalan, eh bien Marina vient donc de Barcelone. Elle habite au Nouveau-Mexique aux États-Unis pour pouvoir faire son doctorat sur les météorites. Elle vit seule depuis longtemps, donc pour elle, c'est pas vraiment un problème. Et puis elle voit régulièrement son copain. Elle essaie de travailler depuis chez elle, même si c'est pas facile. Et puis évidemment, elle est beaucoup en contact avec ses proches en Espagne, qui sont évidemment un peu loin pour elle. Pour la suite, direction Paris. Alors bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 38 ans, j'habite à Paris. Donc voilà, nous on est confinés depuis un mois maintenant. Donc j'habite avec ma femme et mes deux enfants. Et voilà, ça se passe plutôt bien. On commence à en avoir un petit peu assez, on a hâte que ça se termine. Voilà, ce qui nous manque le plus, forcément, c'est un peu la campagne, de pouvoir aller se balader dans la forêt ou voire même dans le jardin des grands-parents ou des choses comme ça. Mais tout va bien. On habite dans un appartement qui n'est pas très grand, mais dans lequel on a quand même un peu de place. Et voilà, les enfants le vivent bien. On sort quand même tous les jours parce que sinon c'est compliqué, surtout qu'en ce moment il fait un temps magnifique à Paris, donc on sort tous les jours faire un peu de vélo et de trottinette sur le trottoir en bas de chez nous, et on joue dans la mini cour de l'immeuble à faire des mini foot et des choses comme ça. Donc voilà, à Paris ça se passe plutôt bien. Paris n'a jamais été aussi calme, en tout cas notre quartier n'a jamais été aussi calme depuis qu'on y habite, donc c'est quelque chose d'assez différent et qui est quand même assez intéressant à vivre, donc voilà. Pour ce qui est de la musique que j'ai choisie, il se trouve que moi je suis musicien, je compose de la musique, et là je viens de sortir un nouveau titre que j'écoute beaucoup avec mes enfants en ce moment. Ça s'appelle le titre s'appelle Demain et l'artiste s'appelle 2-7, donc j'en profite pour vous le faire découvrir. Demain tout ira bien, t'es quand même plus malin, le fleuve coulera toujours, mais avec plus d'amour. Demain on sera vieux et tout ira bien mieux, la terre tombera encore dans un autre décor. Demain ce sera la fête, fini les balayettes, l'eau coulera toujours avec moins de détours. Demain on sera mort, bye bye les dinosaures, et sans tous nos remords, ça ira plus fort. Oui oui demain c'est sûr, y'aura plus de petits durs. Bisous bisous câlins pour tous les petits coquins. Demain ce sera le bonheur, on se parlera meilleur, on ouvrira les cœurs, on aimera nos petites sœurs. On sera tous des champions, y'aura plus de petits cons. Fini les coups en douce pour la pole position. Nous c'était pas pareil, le miel et les abeilles. On nous avait pas dit que c'était ça la vie. Lionel, 27 ans, actuellement en Australie. Nous, notre expérience par rapport au corona était la suivante. Donc on a eu, au travers de contacts de mon ami avec qui je voyage, un mémo vocal WhatsApp qui nous avait été transmis en pièce jointe d'une Française expatriée en Chine qui nous expliquait un peu comment ça se passait et la manière dont ça a dégénéré en Chine et le fait que la Chine était en train d'essayer d'étouffer l'affaire et de le contenir au maximum. Et ça, c'était au mois de janvier. Donc, par rapport à ça, nous, on a réagi. À l'époque, on avait fait un petit peu de stock de gel hydroalcoolique, ce genre de choses. Et puis, on avait prévenu nos proches en Europe en leur disant que ça allait sûrement arriver, qu'ils devaient un tout petit peu se préparer aussi. Suite à ça, on a continué nos voyages un petit peu justement parce que c'est l'objectif de notre année ici en Australie, de voyager. Donc on a continué un petit peu notre chemin au fur et à mesure en se tenant au courant de la manière dont ça a évolué. Quand nous sommes arrivés à Perth, ça devenait un peu plus sérieux. Il y avait actuellement à la radio, ils comptaient tous les jours le nombre de cas. Et puis ça commençait à devenir vraiment très sérieux en Europe à ce moment-là. Donc ça, c'était il y a un petit peu moins d'un mois là déjà. Donc c'est un peu plus récent. Et là, l'Australie s'est clairement réveillée. Ils ont, Ils ont fermé tous les États, parce que l'Australie est un pays où il y a différents États. Donc ils ont fermé la circulation entre les États. Donc on ne pouvait plus quitter le Western Australia, donc c'est là où nous sommes en ce moment. Les camions et tout ce qui était marchandises pouvaient encore circuler. Tu pouvais encore circuler si tu avais une raison valable, entre guillemets, de voyager. Bien sûr, avant de fermer la circulation des États, ils avaient laissé 3 jours aux gens pour rentrer chez eux ou se mettre en route pour rentrer chez eux. Donc à partir de là, nous, on a un peu commencé à réfléchir parce que chez nous, c'est notre 4x4 dans lequel on dort et on vit, quoi. Donc on avait commencé un petit peu à se poser des questions, comment on allait anticiper ça, comment ça allait se passer. Et donc on a trouvé, il y a un couple de jeunes fermiers dans le Western Australia qui a posé une annonce en disant qu'ils étaient prêts à aider des voyageurs, des backpackers. Et on leur a envoyé nos coordonnées, tout ça, et puis ils sont rentrés en contact avec nous. On est dans une ferme qui fait un demi-million d'hectares, donc on est confiné sur un demi-million d'hectares, donc on a énormément de chance parce qu'on est toujours à l'extérieur. Et en gros, contre quelques jours de travail, on est nourri, logé gratuitement, ce qui est quand même super chouette. On a énormément de chance, on s'en rend compte quand on voit tous nos proches et nos amis qui sont cantonnés à leurs appartements, tout aussi grand soit-il, malheureusement ça reste un appartement. Donc voilà, pour l'instant on est là et puis on attend un peu que la vague passe. On va voir comment ça va évoluer. Et suite à ça, d'ailleurs, juste quelques jours avant de trouver cette aubaine, ce plan de secours, cette espèce d'arche de Noé presque, ils ont annoncé qu'ils fermaient dans le Western Australia, donc l'état dans lequel nous sommes actuellement, la circulation entre les différents comtés. Donc l'étau, on va dire, se resserrait. Au-delà de ça, l'État australien, je trouve, a bien réagi. Ils ont réagi un peu moins tard, on va dire, que d'autres pays, peut-être européens, sans vouloir citer certains pays. Mais parce qu'en fait, eux, ils ont mis en place un système de test, que tu sois positif ou non, ou que tu penses que tu sois malade ou non. Tu peux, en tant qu'Australien, aller te présenter dans un hôpital ils ont mis en place des zones spécifiques où tu peux aller dans les hôpitaux te faire dépister. Et si t'es suspecté, tu es directement mis en isolation. En gros, ils préfèrent isoler les cas malades que d'isoler toute la population, en fait, pour essayer de garder un peu les choses en vie et que les choses tournent. Ils essaient de tester un maximum de gens, positifs ou non, malades ou non, et tous ceux qui sont suspectés positifs sont directement mis en isolation. Voilà. Et pour conclure, donc maintenant, pour se déplacer dans l'Australie, c'est très très compliqué. Tu peux, sans raison valable, dans certains états même, raison valable, c'est pas du travail, c'est pas un regroupement familial, ça ne compte pas comme raison valable. En gros, si t'es pas du personnel médical ou un transport de marchandises vitales, donc tout ce qui est alimentaire ou des biens comme des hydrocarbures, des choses comme ça, tu ne peux pas quitter le comté dans lequel tu es en Western Australia, ou tu ne peux pas changer d'état en Australie. Les vols internes, il y en a encore quelques-uns, mais très très très peu. Et si tu voles, justement avec une raison valable, tu es obligé de t'isoler pendant 15 jours. Et c'est super strict, c'est dans une chambre d'hôtel et tu dois pas aller faire tes courses. Donc la nourriture doit venir à ta chambre d'hôtel. Et tu n'as pas le droit de quitter la chambre pendant 15 jours. Je souhaite un grand courage à tout le monde, à tous nos petits copains européens qui sont coincés apparemment jusqu'en mai. Et puis nous, on croise quand même un peu les doigts pour que ça se débloque, parce que notre visa se finit en septembre et on espère pouvoir encore finir le tour de ce magnifique pays et en profiter encore un petit peu avant de rentrer en Europe. Bon courage à tous. Whatever comes our way. Yeah, I gotta go now. like lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and what's in. Explode into space. Born to be Wild, Steppenwolf, c'était la musique du moment pour Lionel qui est en Australie, ça a du sens. Vous êtes toujours dans le Memento News of the World sur Radio Panique. Pour le prochain témoignage, j'ai contacté un prof qui m'avait fasciné pendant mon Erasmus à Dublin il y a maintenant 8 ans. Je l'ai interviewé par Skype, la qualité n'est pas top, mais son histoire vaut vraiment le coup. Après ça, on ira en Italie et à Tahiti. Vous êtes sur le 105.4. Well, Arthur, my name is Mark Gallagher, Marcus O'Galchoir in Irish. I'm 62 years of age. I can't believe it because in my head I'm 20. It's never changed. I like to dance, I like to have fun, but I'm also, as you know, I think a serious academic. Take my job, I'm a lecturer at a university. Are we worried? Yes, we're very worried. And we see that the crisis is not over and they come back. It could come back again in a surge. I worry about my mum because, as I said, if she is infected, she could be very unwell. And I was told last night by my sister that my brother's mother-in-law is now dying of the COVID in a nursing home in Dublin. So pretty bad. But all my friends are all safe and I'm in touch with them on Facebook and WhatsApp and so on. For friends in Dublin, it's hard, I think. One of my friends told me that Dublin is the strangest thing. There isn't anybody in the streets, no cars. All the pubs are closed. And you know Ireland and pubs are, you know. We were told last night by the Minister for Health that pubs may be closed until Christmas. As for Irish people, it's like, you know. choking you know what? So it's very difficult. I've been here in the west of Ireland, in Roscommon, which is just west of the major river in Ireland, the Shannon River, about an hour and a half west from Dublin, if you're travelling at a normal speed. I live in what used to be in pre-famine times in 1840s, 1830s, a village of about 15 houses. Now there's three houses. I have one is occupied, one is unoccupied, and there's myself and my partner, Gronya. So I'm really out of touch because I'm here in, as you say in French, au milieu de nulle part. So we've been here for about a month, I think. I'd lost track of time. I don't know what day it is. I'm not even sure. If it wasn't for my work, I wouldn't know what day it was, and I wouldn't know. But the one thing which is really lovely is the weather is so good at the moment here. I mean, it's in our serre, our polytunnel, our greenhouse, which I can see from here, it's over 30 degrees. So we're growing. I grow trees from seed. It's my big hobby. And I'm very pleased to say that today I noticed that I have three sweet chestnuts growing. They are not native to Ireland. They are native to Spain, southern France, and they have now germinated and they're growing marvelously. So I'm sharing my time with Gronya. This is the longest time she and I have spent together ever in 15 years. And I said today to a neighbor who passed by, we've had a month which has been 30 days of brilliant and one bad day. We had one bad day. That was it. Only one bad day. My fault. Is it easy? It's very easy. Except that, unfortunately and regrettably and shamefully, I'm a smoker. And to get cigarettes means going online, making a shopping list and hoping they do that for you. So, but you know, I have a former student of the DIT around the time you were there is now the manager of a big supermarket about 10K from here. So he's really great guy. His name is Frank Hanley. Give him a plug. And when I called him, I said, "Can you deliver?" He said, "Sure, no problem." So he's deliver within an hour. So a kind of privilege. What am I doing when I'm here? Well, I suppose, to be honest with you, we're in the garden a lot because the weather's so good. I did the mowing today, planting today, pruning today. I read a lot here, which is great because, and of course, I got Netflix for the first time in my life. And I watched a whole series called Star Trek Discovery, and I can't wait for season three. What else do I do? Are you reading? I'm preparing. I have a summer course I'm going to do with another organization, and via Zoom, and I'm preparing for that. I'm upgrading all my materials, and it's very exciting. I'm learning new things. And you asked me what the music I'm listening to at the moment. I listen to lots of music, but there's one song which I absolutely adore. I'd forgotten all about it, and it's called from a band that I knew a long time ago in the 70s, before you were born, the band is called Kraftwerk, a German band, and the song is called Pocket Calculator. So it's wonderful. It's absolutely wonderful. Pour résumer ce que Marc a dit, on peut dire qu'il se porte bien dans sa maison au milieu de nulle part, dans la campagne irlandaise, avec sa femme. Sa mère est malheureusement malade, donc il s'inquiète pour elle, évidemment. Ses amis à Dublin lui disent que la ville est vide, que c'est très bizarre, que les pubs pourraient être fermés jusque Noël, ce qui est très grave en Irlande. Et puis entre-temps, il a découvert Netflix pour pouvoir regarder Star Trek Discovery, et il fait pousser des arbres. gentle melody. By pressing down a special key, it plays a little melody. Pour le prochain témoignage, on a reçu un texte à lire plutôt qu'un fichier audio. Alors voilà, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Alessandra, j'habite à Matelica, une petite ville calme entourée de collines et de petites montagnes au centre de l'Italie. Ma ville est connue pour son vin, le Verdicchio di Matelica, qui est délicieux. Et sinon, j'ai 28 ans et je suis graphiste. La situation ici est assez dramatique. On est en confinement depuis plus d'un mois maintenant et on ne sait pas quand ça se terminera. Il y a tellement de nouveaux cas et de décès que j'arrive plus à regarder les nouvelles. Je sors une fois par semaine avec des gants et un masque pour acheter de la nourriture pour ma famille, pour ma grand-mère, mes deux autres grands-parents et aussi pour la famille de ma sœur qui vient d'avoir un bébé et qui préfère rester à la maison. C'est à peu près tout ce qu'on est autorisé à faire, en fait. Acheter de la nourriture et des médicaments quand c'est vraiment nécessaire. Ça fait 3 ans que je travaille à mi-temps. Le 13 mars aurait dû être mon premier jour en temps plein, mais évidemment, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, ce jour-là aurait aussi dû être le dernier à prester pour avoir accès au chômage temporaire. Pour l'instant, eh bien, je ne peux pas travailler. Je ne sais même pas si j'aurai encore un job quand le confinement sera fini. Beaucoup de gens sont dans la même situation que moi, mais heureusement, le gouvernement nous donne un petit peu d'argent pour survivre. Sinon, je vis avec mes parents. On essaie de s'occuper tous les jours pour pas s'ennuyer. Évidemment, on cuisine beaucoup de choses délicieuses. Et voilà, c'est chouette de passer du temps avec eux, alors que généralement, on court partout quand on travaille. Et puis sinon, la musique du moment, pour moi, c'est The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Elle me vient en tête à chaque fois que je sors dans le jardin, que je regarde les rues vides et que j'écoute le son du silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence in rest. restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Salut, je m'appelle Timothée, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Pendant le confinement, j'étais à Tahiti en Polynésie française. En fait, j'ai grandi là-bas, je suis parti voir mes parents début mars. Et en fait, j'ai suivi toute cette histoire de pandémie en étant là-bas. Bon, vous allez me dire que c'est sympa et que ça restait quand même les vacances, certes. Mais en fait, ça a commencé à s'affoler un petit peu à partir du 20 mars, quand ils ont fermé les frontières et qu'on n'avait plus aucune possibilité de rentrer en France. Donc en fait, on a vraiment passé une semaine à Tahiti en essayant d'aller tous les jours à l'aéroport pour essayer de partir avec le premier vol avant de devoir rester là-bas pendant plusieurs mois. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est passé du stade 1 au stade 3 très rapidement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous les magasins étaient fermés, les restaurants aussi. On avait l'obligation de sortir avec l'attestation dérogatoire, un masque, des gants. On devait limiter les réunions de famille, les contacts entre proches. Je pense que comme c'est une île, le virus, une fois qu'il est là, c'est difficile de le faire partir. Et je trouve qu'ils ont été assez efficaces justement sur cette façon de gérer la crise. Il faut dire que les Tahitiens sont, à l'image des Français, hein, un petit peu indisciplinés et ils sont très famille. Donc c'est très difficile pour eux de rester confinés chez eux en petit comité. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû vraiment instaurer le stade 3 de manière un petit peu abrupte, pour forcer les gens à respecter les gestes barrières et les mesures de confinement. Finalement, on a réussi à rentrer le 28 avec une autre compagnie, parce que notre compagnie a arrêté tous les vols du jour au lendemain, donc on a dû trouver d'autres opportunités pour rentrer. Ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte qu'on suivait beaucoup plus les informations en étant à Tahiti qu'en étant en France. Sans doute parce que on avait trop peur de ne pas pouvoir rentrer, de ne pas pouvoir retrouver nos amis et nos familles. Et c'est vrai que maintenant qu'on est en France, on suit très peu les informations. Peut-être parce qu'en étant au cœur de la pandémie en Europe, si on reste connecté H24 et qu'on regarde les infos en permanence, je pense qu'on balise assez vite et qu'on part en vrille. Au final, j'ai passé de très bonnes vacances. C'est vrai que la dernière semaine, on était confinés en famille. Donc moi, je suis parti avec ma copine, mon cousin. Il y avait ma sœur, sa fille, mes parents. C'est vrai qu'on a passé une semaine tous ensemble à jouer au ping-pong, à se baigner dans la piscine, à prendre l'apéro. Et c'est vrai qu'au final, on a été un petit peu forcés à passer tous les jours ensemble et on s'est vachement retrouvés. Et moi, il y a une chanson qui m'a marqué pendant cette semaine, c'est la chanson de Vaiana, le Disney, l'explorateur. Parce que ma nièce a 2 ans, elle adore cette chanson et on a dû l'écouter une bonne dizaine de fois par jour, je pense. Le Memento saison 5 épisode 7 c'est terminé, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura permis de prendre un peu l'air. On devrait rapidement revenir avec un autre épisode, mais d'ici là le message reste le même. Si vous voulez aider, il y a plein d'initiatives sans risque, des possibilités de faire des dons d'argent ou de nourriture, de faire des masques aussi, plein de choses. Et puis surtout, bien évidemment, prenez soin de vous. Encore une fois, merci, bon courage et passez une bonne soirée sur Radio Panique. Ta tour, ta gâte, follow, follow, oui, na, les tours, on s'en mit, télé.